En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite avec, aujourd'hui... Bienvenue chers auditeurs sur Radio Parfaite pour une émission consacrée aux aliens et à la musique, plus précisément sur la musique expliquée aux aliens. Depuis l'entrée de la Terre dans l'Union interstellaire et l'ouverture du sol terrien à un nombre croissant d'espèces n'ayant jamais entendu de musique, je reçois de plus en plus de demandes sur des conseils ou un genre de méthode pour expliquer la musique aux aliens. Je reçois aujourd'hui le professeur Follamour qui va nous faire un point sur le sujet. Et nous inviterons par la suite deux aliens, un Milsidien et un Jirkanien, qui ont bien voulu se prêter à une petite expérience. Bonjour monsieur Follamour, que pouvez-vous nous dire sur le sujet ? C'est une question complexe. Tout d'abord, nous écartons les espèces dépourvues de système nerveux central, dépourvues du sens de l'ouïe ou dépourvues d'intelligence. Nous avons également écarté les espèces qui ont développé des formes d'expression musicale, hein, puisque voilà, il est absolument inutile d'essayer de leur montrer quoi que ce soit. Nous avons eu quelques échanges, bon après, les goûts, les préférences. Je vous fais grâce également de tous les protocoles scientifiques, linguistiques, expérimentaux testés lors de nos échanges pour faire comprendre nos cultures avec diverses espèces que nous avons rencontrées jusqu'ici. Nous avons rencontré trois espèces qui perçoivent les sons mais qui n'ont pas élaboré de musique. Alors, il y a tout d'abord les Milsidiens, qui, eux, ne perçoivent pas le rythme, pour la raison qu'ils ne se représentent pas les notions de temporalité de la même manière que nous. Donc ils sont capables de faire le focus sur un instant précis, mais nous avons eu l'occasion de constater que lorsque nous vivons 15 minutes, ils en perçoivent 5 secondes. Raison pour laquelle nos tentatives échouent, c'est que nos échelles d'existence sont très différentes. Donc voici, je vais vous faire écouter un petit extrait, donc c'est notre référence, hein, qui n'est autre que le générique de l'émission utilisée pour l'expérience que nous allons mener tout à l'heure. Donc voici ce que nous entendons. I just wanna talk to you. I won't do you no harm. Just wanna know about your different lives on this here people farm. Voici ce qu'entendent les Milsidiens. Et voici ce que nous entendrions, nous, à l'échelle des Milsidiens. Donc ils sont tout à fait capables de comprendre la notion de polyphonie dans la mesure où ils superposent systématiquement tous les moments d'un laps de temps, mais ils ne parviennent pas à saisir l'objet de la musique. Tous les Milsidiens à qui nous avons fait écouter de la musique jusqu'ici ont mis fin à leur jour après leur naissance. Nous avons également les Jirkaniens qui, eux, perçoivent le rythme mais pas les hauteurs. Nous entendons différentes hauteurs. Eux n'entendent qu'une note, différente pour chaque individu. Lors d'une conversation entre les Jirkasiens, il est fréquent d'entendre des polyphonies involontaires. Leur langage est une forme de grognement rythmé, où le rythme véhicule du sens, mais ils ne perçoivent pas la musique dans leur discours, uniquement du sens. Il faut être extrêmement prudent lorsqu'on leur parle, car ils compressent les fréquences jusqu'à tout entendre à la même hauteur, mais par contre ils perçoivent un discours dans le débit de parole ou le rythme d'une guitare. Il y a des rixes qui ont failli éclater de cette manière avec les Jirkasiens. Et nous avons également les Irus, donc qui perçoivent les deux. Mais s'ils n'ont pas inventé de musique, cependant, c'est que les émotions chez eux n'existent pas. Ils ne ressentent rien, ils n'ont aucune velléité d'expression, si bien qu'ils saisissent tous les concepts de la musique, mais ils sont incapables d'en saisir l'objet. Merci beaucoup pour cet exposé, Monsieur Folamour. Alors, nous accueillons aujourd'hui deux aliens qui ont bien voulu se prêter au test et qui pourront nous faire un retour. Merci de les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Est-ce que le traducteur universel est en ligne ? Oui, me dit-on en régie, commençons. Monsieur Folamour va mener une expérience pour tenter de faire comprendre, entendre, percevoir la musique à deux espèces. Je me tourne d'abord vers vous, monsieur le Milcidien. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je vais tenter de passer un extrait musical à votre échelle temporelle afin que vous puissiez apprécier et comprendre ce dont il s'agit. Parfait. Ah, chers auditeurs, le Milcidien vient juste de disparaître. Je pense qu'il a mis fin à ses jours. Ah, bon, il fallait s'y attendre. Monsieur le Gircasien, nous avons compris depuis longtemps que vous n'étiez pas en mesure d'entendre notre musique. Cependant, votre façon de parler est très musicale pour nous. Pouvez-vous nous dire quelques mots dans votre langue ? Veuillez couper les traducteurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le Gircasien. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous savez désormais qu'il est préférable de ne pas chercher à transmettre la musique à nos amis les aliens. Ceci pour leur bien et le nôtre. Restez à l'antenne pour un cours de cuisine mélusienne après cette petite séquence musicale. That you've got inside of you, gonna take all the strength deep down inside just to carry you through. It's gonna take all the love that you've got stored up inside just to walk this walk together. Ooh, it's gonna take a miracle, and the miracle is you. You're gonna have to shout it out, let the people know that hatred just won't do. You're gonna have to take a stand. If we're gonna see this madness through, it's gonna take all the love inside of you. Emotions flying, ain't no use in crying. Say it's time to face your life. Oh, the truth is waiting, ain't no use in hesitating. It's time to free your mind and save your life. It's nobody else's. You can be anything that you want to be. It's your time. Why don't you take it? Don't you fade away before you've had your say. We share the same hopes. We have the same dreams. We're not as different as we seem. We have the same face. We share the same heart. Let's come together now in love. Let's come together face to face, 'cause we all want the same things, and we're all trying to reach the same place. Emotions flying, ain't no use in crying. Say it's time to face your life. Oh, the truth is waiting, ain't no use in hesitating. It's time to free your mind and save your life. It's your life and nobody else's. You can be anything that you want to be. It's your time. Why don't you take it? Don't you fade away before you've had your say. It's gonna take a miracle, and the miracle is you. You're gonna have to shout it out and let the people know that hatred just won't do. You're gonna have to take a stand. If we're gonna see this madness through, it's gonna take all the love inside of you. You know and I know that we can all live it together, but we'll have to give all our love. I've given everything we got, given everything we've got to do. You know and I know that we can all live it together, but we'll have to give all our love. I've given everything, I give everything you got, say. You know and I